Exercice 7, page 164. Virelangue. L'air est lourd à Lille. L'air est lourd à Lille. L'air est lourd à Lille.